Abidjan, Lomé, Nigeria, Cameroun, Libreville, Brazzaville, Kinshasa. Écoutez ce super Nyama Nyama des officiers de la musique africaine, l'International Orchestre du Congo à Paris. Cody Thomas, yeah! Machine mabuko na magia pote zenu za zinzi tukiriko lubazu na male ba mwana mamunga na rufe mwana tandilu na mamundele nike non tsamba ni beto bogwe Joseph Gabio Nyanturi la Kuba George Mbana Yabi Yabi Jopambu Fortuné Joachin Cédar Lumbe Chrysostome Gérard, à vous de juger. Et maintenant, le professeur agrégé du conservatoire Lubassu Denis Lacloche vous présente son mémoire de guitare. Nakobala nanga mwana Asia, nakobala nanga mwana Australia. nanga mwana Afrika e Nakobala nanga ta komondele Nakobala nanga ta moto moyinda Écoutez-moi ça Lokito lolo lango